sais pas, toi. Hein? Eh, hey, man, quelle heure qu'il est, là? Je sais pas, là. Pas qu'on est-tu du temps? Yeah. On a grab du week, tantôt? Yeah. Ah, comment tu l'as? Yeah. Fait qu'au pire, on pourrait se péter une track de l'apocalypse. Ouais, genre. Ha ha ha ha. Plop, plop pour ta soeur. Slot one rentre dans le doc, casse le football, pis point américain. Demande à ta soeur si je tente de ball pour un petit vin. Toutes vos histoires pis récivins, font que ça fait rien des écrivains. Tu sais que t'aurais pas dû fronter, tu t'en souviens, dans le temps t'étais si bien. So fuck that, j'monte tellement les MCs qui veulent plus puff back. Va-tu stiller comme la carcasse au de la piste, c'est top scap, tu peux pas me battre. Fait que sauvez-vous en courant, même si j'cap, je vais te couper le cou en mourant. Parce que j'crisse la face des wacks dans Boubé souvent. On a trop de temps, trop d'équipement, trop de weed, trop de skills, sautez plus dedans. On a trop de temps, trop d'équipement, trop de weed, trop de skills, sautez plus dedans. On a trop de temps, trop d'équipement, trop de weed, trop de skills, sautez plus dedans. J'aurais pas dû chercher du fuck, prochaine fois monte-toi plus prudent. J'arrive du red light avec moins 12 heures de sommeil, puis j'pète ta soeur dans son oreille. T'es hard comme du beurre au soleil, 20 piastres où j'brûle ta pierre, ta love sauf paye. T'es plus rejet qu'un placenta à fin d'un accouchement. Quand j'donne des props, doute tout accouchement. Le rap, sa violence, c'est pas le fun. J'chasse plus qu'une balle de shotgun. J'te cancérime en plein vol, fait que prépare ton parachute. Gare à ta chute. Je me pogne ta soeur, puis je viens sur le bord de sa jupe. Sors de ta bulle. Y'a tout le monde qui rit de toi parce que t'es wack man. Ouvre tes yeux, check dans le tournoi. J'ai bouffé plus de points que Pac-Man. On a trop de temps, trop d'équipement, trop de weed, trop de skills, sautez plus dedans. On a trop de temps, trop d'équipement, trop de weed, trop de skills, sautez plus dedans. On a trop de temps, trop d'équipement, trop de weed, trop de skills, sautez plus dedans. J'aurais pas dû chercher du fuck, prochaine fois monte-toi plus prudent. La seule chose sur le net qui me rip, c'est Audio Grabber pis Audio Catalyst. Quand je vois mon nom en haut de ta liste, j'espère que c'est la Black One. Même Schumacher pompe dans son char pis quitte la piste quand le track run. Tu me dis pas manque ta mage, la fille c'est stick t'es wax on. Puis j'te casse le Saturn. Fait qu'à star, tu fais dur. Ma violence verbale se fait peu. J'prends ta tête, j'fais un mur. Mais c'est sûr, j'te dis avant que tu pisses le sang. J'attends juste un 18 ou mon homme, puis j'te crisse devant. On a trop de temps, trop d'équipement, trop de weed, trop de skills, sautez plus dedans. On a trop de temps, trop d'équipement, trop de weed, trop de skills, sautez plus dedans. On a trop de temps, trop d'équipement, trop de weed, trop de skills, sautez plus dedans. J'aurais pas dû chercher du fuck, prochaine fois monte-toi plus prudent. Ah ouais, dis-les donc. Quoi tu parles? Ah ouais, dis-les donc que tu représentes Laval. Je suis pas game, j'ai l'air de quoi? Mais comment, dis-les que tu représentes Laval. Ben là, relève-toi.